rapports, c'est automatique, je barre de verre, même les hasses, ils m'entendent. Faut prendre sa place, c'est ce que le gros m'a dit, t'es pas sérieux, c'est normal qu'on peut pas s'entendre. Combien de fois j'étais passager dans la Clio, garé devant les pistes, capuché devant les clients. Je les voyais faire les grossis juste pour un kilo, mais pour un client, je t'encule, j'ai pas de sentiment. Je repars les menottes au poignet, je suis pas là, 72 heures, je ressors du palais. Comme d'hab, j'ai quelques me gracalés, j'attends le délibéré, pour l'instant c'est carré. Quand je repense beaucoup de frères au sport, j'ai trop tôt. Tapoter ça t'éteint en moto. Et ça vient plus dur de s'alimenter, ils t'ont monté à cause du tracker dans l'auto. J'avais compté sur toi, mais j'ai perdu du temps. La plupart du temps, tu me voyais t'appeler le sang. Je connaissais pas tes faces, gros, t'étais mon frérot. Je pouvais me cagouler pour toi, faire couler mon sang. J'ai connu la haine, j'arrachais trop d'innocents. Dans le fond, j'étais bon, mais parfois c'était méchant. J'ai gratté ma pièce, rayé à fond sur le rinté. Normal que devant les condés, je suis toujours méfiant. J'ai confiance quand maman, tout ça depuis petit peu. Tu le sais, je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je vais pas la quitter. J'ai confiance qu'en maman, tout ça depuis qu'il peut. Et tu le sais que je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, je fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je peux pas la quitter. On est dans ça, ego, depuis JP j'ai vesqui des peines avant de rentrer en détention. La mise voulait me rejoindre mais j'étais dedans, plus mon mal dedans, limite je parlais en deux tensions. On sait faire combien de fois j'ai mouillé le maillot, posté sur le terrain, mais 10 minutes faut mailler. Je vesqui des patrouilles, je les guettais de là-haut. C'est trop du cul en bas, filoché l'allée, je roule un camas. Comme d'hab, je suis passager, je fais un tour dans la cité, je suis passager. Elle fait la pressée, elle veut que je lui fasse un jeu. La cité c'est réel, ego, t'es pas un jeu dans les affaires. Tu peux Greg aussi, tu sais pas te taire. À minuit j'ai déjà pris la sacoche, donc repasse demain, là y'a plus de terre. Là y'a plus de caution, 22h génération, j'écoute mon son, je roule la terre au calme posé avec mon co. Je m'en rappelle quand je me faisais contrôle par les mossos. Mauvaise nouvelle normale que j'ai plus d'émotion. Mauvaise nouvelle normale que j'ai plus d'émotion. J'ai confiance qu'en maman, tout ça depuis petit peu. Tu le sais, je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je peux pas la quitter. J'ai confiance qu'en maman, tout ça depuis petit peu. Et tu le sais que je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je peux pas la quitter. Maman, tout ça depuis petit peu. Tu le sais que je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je peux pas la quitter. J'ai confiance qu'en maman, tout ça depuis petit peu. Et tu le sais que je suis dans ça, donc très bien équipé. Normal, fais demi-tour si je recroise les backers. H24 dans ma tête, non, je peux pas la quitter.